Voilà, donc c'est toujours Bulle de Rêve, bien évidemment, toujours Radio Libertaire, forcément. Où est-ce qu'on pourrait voir, je le sais, je le dis souvent, mais une émission de deux heures sur le cinéma d'animation, à part sur Radio Libertaire. La preuve, nos deux invités qui viennent de me le dire. Oui, je les ai cuisinés un peu avant, comme ça je peux me permettre de dire ça. Ils ont eu 5 minutes, même si c'est très bien, et ils ont sûrement eu plein de monde sur une autre chaîne... Je sais plus comment elle s'appelle, une petite chaîne France Inter, voilà, ou ce genre de choses, ou le Mou, ou des trucs comme ça. Et ben, nous, on va leur donner trois quarts d'heure pour parler des Shadok. En fait, comme je vous l'ai dit au début, je connais Mathieu un petit peu, donc il me dit, il m'envoie un message en me disant, est-ce que, tiens, il y a un livre sur les Shadok? Je fais, ah, c'est bien, je fais une petite news, est-ce que tu veux le recevoir? Et je dis, bah oui, pourquoi pas, c'est intéressant, un livre sur les Shadok. Et donc, je donne des cours à droite, à gauche, et je rentre un jour chez moi, et ma gardienne me sort un paquet énorme en disant, ben voilà, c'est arrivé. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'attendais? Et d'un seul coup, je regarde et j'ai juste une espèce de masse énorme, absolument impressionnante. Et c'est vrai que la petite news sur The Web Anime, je me suis dit, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors, je pense que les gens qui sont dans le studio peuvent le voir. C'est pas du tout l'idée de. J'ai eu un exemplaire de presse, donc il faut que je fasse un truc dessus juste parce que je suis journaliste vénal et que je me dis, tiens, ça vaut le coup. Non, j'en avais pas besoin. C'est juste que je me suis dit, on n'a jamais parlé des Shadok. Et c'est vrai que d'un seul coup, ce monument absolument incroyable donne envie de parler des Shadok. Donc, on a. Mathieu Lamotte. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc producteur au 3A. Et Thierry Desjean. Bonjour. Bonsoir, merci de nous recevoir. Ah ben merci beaucoup. Donc, qui a participé avec Marcel Pontier-Rouxel à la création de ce. C'est énorme comme travail. C'est 2 ans et demi de travail. Ouais. Et 1 an et demi avec le chêne. Avec c'est l'éditeur. C'est quoi. L'éditeur, ouais, pour. Et c'est une rencontre déjà grâce à deux grandes femmes, Marcel Pontier-Rouxel évidemment. Et Fabienne Krigel, qui est la directrice des éditions du Gène, et en fait on s'est rencontrés, je lui avais envoyé un petit pitch de ce que je voulais faire, je lui ai envoyé beaucoup d'illustrations, et j'ai dû lui discuter honnêtement 10 minutes avec elle. Elle m'a dit non mais c'est bon, on le fait ce bouquin, on ne signe pas là, mais on le fait, je vous assure, vous avez ma parole. C'est génial. Donc c'est un vrai coup de cœur pour l'univers de Rouxel, des Shadok, enfin c'est vraiment une envie quoi, parce que encore une fois Il y aura les photos en ligne. Il y aura les photos en ligne. Dès que Florentine m'a vu au bar tout à l'heure, on se donne rendez-vous un peu. Wow. Elle a dit oh là là, quel est ce livre? Juliette de l'AFCA a dit il faut qu'ils disent qu'ils nous en envoient un à l'AFCA. Voilà, je vous le dis en direct. Pas de problème. Voilà et tout. C'est de suite les 400 pages. Il y a deux éditions quand même. Il y a cette édition qui est l'édition de luxe, mais qui est à 40 euros, je crois, non? En fait, au 49,90. 49,90. Au début, quand j'ai commencé, j'ai dit, je veux faire un livre d'art, je veux faire un pavé, mais je veux que ça soit abordable par tout le monde, par les étudiants, par les jeunes, par ceux qui n'ont pas trop d'argent. Donc elle m'a dit, écoutez, je ne vous propose pas un livre, mais je vous en propose deux. Donc il y en aura un beau, et il y en aura un beau aussi, mais un peu moins cher, pour un peu plus abordable. Donc le deuxième, c'est quasiment le même contenu, il est juste un petit peu plus, un peu plus moins gros, et il manque les deux chapitres, quoi. Il est plus axé sur les Shadok. Celui-là, sur les deux chapitres de la fin, c'est plus les œuvres personnelles de Rouxel, et puis ses films de commande. Voilà. Comment on fait pour... Il y a l'air d'avoir une masse d'archivage, il gardait tout. Ouais. Il gardait absolument tout, Mathieu. En fait, la chance qu'on a, c'est que 3A, donc, qui a été créé par Jacques Rouxel et par sa femme Marcel Ponty en 73, existe toujours. Et que on ne jette rien. Chez nous, on ne jette rien. N'importe qui peut venir et on retrouve des vieux papiers qui ont été posés là en 1975 et qui sont encore là en fait 40 ans après. Et voilà. Et donc du coup, toutes ces archives, tous ces dessins étaient là. Il a fallu juste le courage de Thierry de se plonger dans la poussière. Moi, je lui disais t'as un carton, vas-y fouille. Et voilà, il a fouillé, plusieurs cartons. Il y avait beaucoup de cartons, beaucoup de poussière. En plus, il est un peu allergique, donc il a fait ça au péril de sa vie, on va dire. Mais voilà, et en tout cas, il y avait quand même une somme énorme de choses à trouver, et il l'a fait. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a une véritable Bible de toute l'œuvre de Jacques sur presque 40 ans de carrière. Ça va au-delà des Shadok. ça va vraiment, il y a vraiment tout, ces films de commande, ses travaux personnels, ses dessins, etc. On sent le producteur, on a 40 minutes, t'inquiète pas, on va tout dire. Non mais c'est juste, Je sais qu'à France Inter, vous avez eu 5-10 minutes et c'était bien, 11h-10, là on a le temps. D'accord, donc, excuse-moi, mais je suis un peu, tu vois. On n'a pas l'habitude de parler vite. Oui, mais c'est pour ça, non mais c'est bien, mais on va, parce qu'en effet, encore une fois, si j'ai voulu, c'est parce qu'on va évidemment beaucoup parler des Shadok. Il y a un tout petit, on sent, et c'est drôle dans la préface aussi de Marcel Pontier, on sent à la fois l'envie de parler un peu du personnage, mais qu'il y avait beaucoup de, pas de mystère, mais que lui-même, voilà, c'était avant tout le créateur, et donc on a des petites choses sur sa vie d'avant, il y a des photos, mais par rapport à la masse, on sent qu'il fallait le mettre, mais il ne fallait pas non plus en faire trop sur ce passage-là. J'ai l'impression qu'il y a... J'ai envie de garder de secret, je sais pas. En fait, au début, c'était quand j'ai retrouvé toutes ces archives, c'était pas que des archives Shadok, c'était des archives sur Rouxel. C'était la majorité des archives, c'était ça. Et en fait, plus je fouillais, plus je trouvais des trucs incroyables. Et tout en cherchant, j'essayais de savoir ce qui avait été fait sur lui, tout simplement. C'est un peu le point de départ d'un travail. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait quasiment rien. Et il n'y avait pas vraiment de bouquins sur Rouxel. Et je me suis dit, c'est pas possible que. Ben si, c'était possible. Il y avait rien, absolument rien sur lui. Et donc, je me suis dit, il faut le faire, et voilà. Il y a un nom qui apparaît au tout début, et c'est vrai que c'est une évidence totale. Est-ce qu'on sait vraiment s'il a vu les films? C'est UPA, United Pictures. Ah oui, il était fan de l'UPA. Oui, c'est vrai que moi, j'avais pas forcément pensé. Hein, c'est une de ses références, oui. Les gens de Disney, à partir d'une grève, et qui vont partir et qui vont créer cette société pour justement avoir une ligne beaucoup plus radicale, on va dire, et faire une maison avec quatre traits et avancer, notamment le fameux Gerald McBoing-Boing, par exemple. Ça, c'est quelque chose. Il aimait les États-Unis. En fait, il a vécu aux États-Unis. Il était au lycée français à New York et il a été très influencé par la culture américaine. Principalement l'UPA, et par l'humour anglo-saxon, le non-sens, l'absurde. Et effectivement, et même un de ses, j'en parle dans le bouquin, un de ses illustrateurs, c'est Saul Steinberg, et c'est un peu dans la lignée de ce que faisaient les gens de l'UPA, c'est-à-dire un dessin ultra simplifié, une animation limitée, et un style qui ressemble plus à des artistes contemporains comme Miro ou Clay, par exemple. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive dès le départ, quand on voit, c'est incroyable, Florentine, elle est en train de le regarder. Ça va être dur pour d'autres personnes de le regarder, elle va pas le lâcher pendant trois quarts d'heure. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, le style est déjà là, en fait. Dès le début. Hein, tout à fait. C'est ça qui est vraiment. Il n'y a pas 40 000 recherches, on a l'impression. Non, le Shadok, il est déjà là. Il arrive. Après, il y a eu des remaniements. Au début, il veut juste faire des espèces de petits courts-métrages, ce qu'il appelait des spots interludes, où en fait, son désir, c'était d'adapter les comic strips. Comme Snoopy ou ce genre de choses qui passaient dans le Herald Tribune à l'époque, et ils voulaient les adapter à la télé. Et en fait, avec le service de la recherche, ils se sont finalement mis d'accord pour faire un feuilleton. Comment ça se passe? Mais le personnage des Shadok et des Gibi était déjà là, dessiné, était déjà en place. Les Shadok s'appellent même dès qu'ils proposent au service de la recherche, parce que donc, cette première série, cette première tentative d'une minute ne marche pas. Au tout début, il y a eu un projet qui s'appelait Drôle d'oiseau, où il y a déjà du Shadok. Le Gibi s'appelle pas Gibi, il s'appelle Zibi. Et après, il fait la tournée des producteurs de l'époque cinéma, et ça marche pas. Et il essaye de remanier son projet pour faire une espèce de concept plus court. C'est ce qu'ils appellent les spots interludes, qui sont entre 30 secondes et une minute. Et c'est avec ce projet-là qu'il va voir les gens du service de la recherche. D'accord. Et donc là, on lui dit, c'est bien, mais on va faire quelque chose de plus. Ils font des tests. En fait, ils ont tourné des épisodes pilotes en noir et blanc parce que ça correspondait tout à fait à cette fameuse machine, l'animographe qui était une machine pour faire du dessin animé, mais il fallait vraiment avoir un style très particulier pour adapter à cette machine, parce qu'en fait vous êtes obligé de dessiner sur des bandes Kodatrace qui étaient utilisées pour la prise de vue aérienne des appels d'animographes. Donc en fait ils devaient faire l'animation sur un format qui était vraiment très petit, et en fait forcément le style de Rouxel convenait absolument à cette machine. Donc ça tombe bien, la création de cette machine et le projet qu'amène Rouxel, c'est un coup du destin, enfin ça fonctionne parfaitement. Tout s'agence pile poil, parce qu'on n'aurait jamais pu faire du Disney sur cette machine. On est en quelle année? On est en 65 ou 66 qu'il arrive au service de la recherche. Et bon, les premiers Shadow qui sont diffusés, c'est 68. Mais ça a mis pas mal de temps, parce qu'il s'est quand même fait pas mal envoyer sur les roses par les directeurs de l'ORTF qui se sont succédés. Hein. C'était Schaeffer qui proposait à chaque fois qu'il y avait un nouveau président, qui représentait le projet en disant ah, on a un truc à vous montrer. Et c'est un coup de sort, c'est Biasini qui est là, qui vient d'être nommé depuis 3 mois. Qui viennent du théâtre, qui ne connaissent pas rien au monde de la télévision. De toute façon, il faut quand même rappeler que la télé est tout à fait naissante. Et Biasini voit ce truc-là et dit bah, allez-y, vous m'en faites. Alors qu'ils n'en ont pas fait beaucoup, et lui dit vous m'en faites 39 pour terminer, pour faire les 52 épisodes, un format standard pour la télé. Donc, et c'est parti. Espèce de parce que voilà, non, c'est important quand même de dire que c'est un coup de chance, hein, refusé, coup de chance, mais à la bon, c'est un coup de chance parce qu'en plus lui il a été viré de la télévision juste à 68 à cause de 68, ouais, donc il est resté 6 mois le temps de signer les Shadocks et il est parti. Donc on a eu de la chance, sinon voilà. On l'aurait pas eu. Est-ce qu'il est évident aujourd'hui en regardant que les Shadocks ne pouvaient être faits qu'à cette époque-là, c'est-à-dire qu'avec 68 arrivant et avec une certaine, hein, on va pas refaire le monde, on le connaît 68, mais une certaine jeunesse, est-ce qu'il y a un côté un peu, je ne vais pas dire forcément politique, même si on peut l'imaginer, hein, c'est pas parce qu'on est Radio Libertaire que je veux pousser les Shadocks absolument vers le politique, mais il y a quand même une espèce de coup de massue, aussi bien dans l'animation, aussi bien dans l'absurde. C'est drôle parce que c'était le titre de l'Humanité Dimanche du magazine d'hier. Il disait, je ne sais plus exactement, je l'ai plus en tête, mais il disait les Shadocks aujourd'hui, ce serait impossible. Mais oui, c'est ça. C'est évident qu'aujourd'hui, une chaîne télé, Mathieu, toi qui es producteur, aujourd'hui les Shadocks, on propose ça. Enfin, il n'y a que South Park. Il y a quelques petites. South Park, c'est un enfant des Shadocks. Mais ça se fait quasiment pas. Enfin, c'est vraiment très très rare. Je sais pas, toi, Mathieu. Oui, non, mais ça sera. Tu vois pas partir avec le dossier aujourd'hui je me ferais rembarrer comme un malpropre. Même, je pourrais même pas les voir avec ça. Ils pourraient même pas me recevoir. Non, c'est pas possible. À l'époque, il y avait ce service de la recherche qui était là pour faire de la recherche. Donc, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont essayé beaucoup de choses. Les Shadocks en sont sortis, mais il y a aussi d'autres gens. Et par exemple, il y avait Piotr Kamler qui en est sorti. Mm-hmm. Enfin, il y avait pas mal de gens comme ça. Et voilà, c'était un service. C'est vrai que c'est, à mon avis, je sais pas quand est-ce que ça a été supprimé, le service de la recherche, mais voilà, après il y avait qu'à cette époque-là où on faisait beaucoup d'essais, la télévision était naissante, on passait un petit peu comme on pouvait, quoi. On passait ce qu'on avait, c'était vraiment de l'artisanat. Maintenant, c'est plus ça du tout. Piet Kamler, c'est-à-dire que Rouxel rencontre Kamler au service de recherche, ou le connaît avant? Je pense qu'ils se sont rencontrés là-bas. D'accord. Ils se sont rencontrés là-bas, et justement, pendant que Jacques était là-bas à essayer de faire passer ses Shadocks, il a travaillé avec Piotr. Il a fait notamment un scénario d'un de ses courts-métrages. Le scénario, c'était le film, c'était L'araignée éléphant. D'accord. Voilà. Et donc Kamler va ensuite. Voilà. Après, il va venir chez nous à 3A, où là, il aura alors ça, tout 200 mètres carrés, où il aura son installation, il aura son lit, sa caméra, son banc-titre, et puis il sort pas, quoi. Puis il fait ses films. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est intéressant d'ailleurs. Hein, Kamler est un personnage vraiment intéressant. Alors, juste pour rappeler, parce que c'est vrai qu'on c'est difficile pour. Vraiment les plus jeunes, mais même les moins jeunes. Il y a une chaîne télé. Il y a une chaîne à l'époque. Il y a encore la noir et blanc. Les télécouleurs sont inabordables à l'époque. Il faut être ministre pour avoir une télécouleur. Hein. Donc tout le monde voit les Shadocks en noir et blanc. Et il y a pas. C'est vrai qu'il y a pas. Il y a pas vraiment beaucoup de choix. Et en plus, il y a ce fameux créneau horaire qui est absolument incroyable. À quelle heure donc? Ouais, faut rappeler. C'est le prime time, le fameux prime time que tout le monde s'arrache de nos jours. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Rouxel, il voulait adapter les comic strips qui étaient dans les journaux. Et donc finalement, il y arrive, alors qu'il a fait un feuilleton et que c'est plus tout à fait son truc de départ. Mais il est quand même diffusé à la fin du journal télévisé, à la place du journal papier. Donc Shadocks sont passés, à un horaire qui est complètement incroyable. Parce que tout le monde à cette heure-là est devant la télé, juste après le journal, en attendant le grand film. Mmh. Et donc tout le monde voit du Shadocks. C'est pour ça que ça a divisé la France en deux. Hein. On va parler évidemment des réactions. Dans le coffret qui était sorti avec Lina des Shadocks, on a Jean-Yann, on a les fameuses émissions. Voilà, on a quelques plus épisodes, je crois qu'il y a 3-4 émissions qui s'appelaient les lettres aux Shadocks. Les Français écrivent, je crois. Voilà, où Jean-Yann, avec les Charlots et avec Daniel Prévost, lisait les lettres. Donc ils alternaient une lettre pour, une lettre contre. Voilà. Et c'est très violent, hein. C'est très impressionnant. C'est très enfin, on sent mais que moi, ça, je... ça divise. Évidemment, c'est très vieille France en plus. Il y en a certaines qui sont. Et ces lettres, on les a encore aussi, nous. Alors, je ne sais plus s'il y en a dans le livre, mais nous, évidemment, nous, comme on garde tout, on les a au bureau. Et c'est vrai que mais même la façon dont c'est écrit, c'est vraiment. Voilà, il y a des gens qui prenaient leur. C'est assez impressionnant. Même à voir, je ne sais pas, il y a quelque chose. Les pour, les contre. Évidemment, c'est les contre où c'est plus, on va dire, le plus rigolo à lire. Mais c'est vrai que c'est impressionnant à voir où les gens, ils prennent. Ils s'appliquent à écrire, voilà, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment une France. Parce que c'est vrai que c'est dur à comprendre. Il y a tellement de chaînes aujourd'hui qu'il y a finalement peu de choses qui font. On va faire quand il y a une télé-réalité, ça va prendre une journée, ça va faire ou un mini scandale ou des petites choses comme ça, mais ça va vite passer. Oui. Là, c'est long, ça prend. Enfin. Oui, et puis, ça divise pendant longtemps. Bah, c'est pas juste. On se demande pourquoi on paye des gens pour faire ça, la télé publie, enfin, etc. Et bah maintenant, on peut changer de chaîne. Alors qu'à l'époque, en fait, il y a même parfois Jean-Yann, quand il lit ses lettres, il dit vous avez qu'à éteindre la télé. Mais en fait, non. Il préfère, à la limite, certains téléspectateurs préféraient, à la limite, avoir une pendule ou le petit train qui faisait l'interlude que les Shadok. Alors, il leur dit éteignez la télé. Ou alors, à un moment, il dit aussi que, en fait, on peut rien faire parce que les gens payent une redevance très chère et qu'on est obligé de leur mettre des programmes. Donc, on ne peut pas mettre autre chose que les Shadok, en gros. Voilà, c'est ça. Donc, c'est assez drôle. Enfin, voilà. Comment il y a cette équipe qui se met en place ? Comment l'équipe va avoir. Alors, nous, on connaît plus, j'aimerais savoir un peu plus au niveau même des animateurs. Nous, on connaît surtout le musicien et celui qui va faire la voix. Robert Consolal et Claude Pieplu qui vont être très importants. Ouais, ouais. Avant de parler d'eux, comment c'est fait à la chaîne. Enfin, c'est fait à la chaîne. Lui, il travaille tout seul, il travaille avec d'autres personnes. Avec cette machine, est-ce qu'on peut travailler sur. Il n'y en a qu'une, non ? Bah en fait, Rouxel, déjà, il a créé ses personnages, mais en plus, il a écrit tous les scripts, ce qui est quand même une somme de travail importante. Et en plus, il fait ses pré-storyboards et ses storyboards lui-même. Et donc, j'en ai mis quelques-uns. Les tout premiers storyboards, ça, c'est quand j'ai trop découvert ça, c'était tellement incroyable. Oui. C'est tellement poussé, le storyboard, où même ils mettent des fois des indications de couleurs, et on a vraiment l'impression de voir le plan final dans son storyboard, quoi. Donc vraiment, il a. D'ailleurs, il le dit lui-même. J'ai mis souvent, quand j'ai pu le mettre, j'ai mis le maximum de documents qu'il avait écrit lui-même, où il dit que pour lui, le succès d'un film, c'est vraiment le texte, le scénario et le storyboard. Enfin, en animation, évidemment. Et oui, à partir de là, le travail, il est fait à quoi 80%. Après, il dit le reste, c'est de l'animation. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. Lui ne fait pas le. La partie animation, mais va créer quasiment tout le reste, oui. Ouais, mais de toute façon, l'animation, c'est quand même une animation limitée. Donc, on ne peut pas y trouver dans les Shadok ce qu'il y a dans Tex Avery ou ce qu'il y a dans Walt Disney. C'est un choix technique et artistique qui est fort. Et c'est de l'animation. Enfin, je ne pense pas qu'on peut écrire des lignes et des lignes sur l'animation des Shadok. C'est plus le concept qui est intéressant et les choix artistiques forts qu'il a pris. Par exemple, comme ce style de dessin. Dépouillé au maximum, et puis ce non-sens, l'absurde, enfin, tout ce qui va surfer, qui va découler, et donner l'esprit de toute la série. Quoi. Oui, parce que c'est ça qui est étonnant, et il y en a peu, il y a un véritable esprit Shadok qui même dépasse la série, finalement. Enfin, c'est pas devenu un nom commun, mais il y a quand même une idée de se dire voilà, il y a ce monde qui est absurde, et dont on va parler, c'est. Allez, je ne vais pas dire que c'est du Kafka, mais c'est ce qui a dérangé aussi les gens. En plus, parce que pour que les gens se sont autant plaints et autant criés au scandale, c'est que, un, ils n'étaient pas du tout habitués à ce style de dessin, parce qu'à l'époque, c'est une fois de plus, la référence, c'est Walt Disney. Ouais. Donc là, on arrive avec un truc, ils disent, mais c'est quoi ce truc-là ? Mon fils, il peut dessiner mieux. Mais à la fois, c'est ce qu'on entendait pareil pour un Picasso ou pour les artistes contemporains. Ils reprochent donc son côté mal dessiné. Après, il y a cet humour, c'est quand même, c'est pas un truc très français, il faut dire. Ouais. Voilà, c'est le non-sens et l'absurde, ça fait plus référence à un humour anglo-saxon. Nous, on est plus dans l'Astérix et Obélix, voilà, c'est ce genre de truc, de caricature. Et là, donc, ça choque parce qu'il y a plein de choses qui choquent. Il y a une animation limitée, il y a un dessin qu'on estime qui est mal dessiné, et puis il y a cet humour que les gens ne comprennent pas du tout. Et en plus, il y a cette interprétation, parce qu'on Bon, Rouxel n'a jamais voulu dire qu'il y avait un message quelconque dans, dans son œuvre, mais bon, c'est pas possible de ne rien y trouver, parce que si vous cherchez, on peut y voir tellement de choses. Ça peut être comme la vanité du travail, ou qu'il y a quand même ces oiseaux stupides qui pompent alors que ça sert à rien du tout. Et à côté, vous avez les animaux, les gentils gibis qui sont intelligents et qui passent leur temps à faire de la musique, à danser le menuet, à s'amuser et jamais travailler. Enfin, vous voyez, on peut quand même y trouver plein de choses dedans. C'est même évident, enfin, je veux dire, ouais, après, qu'il ait voulu le cacher, qu'il n'ait pas voulu le dire de manière en tant qu'auteur, de ne pas dire, attendez, oui, c'est. Mais il y a une force encore aujourd'hui. C'est ça qui est étonnant avec les Shed Dogs. C'est pour ça que je me suis dit, c'est intéressant d'en parler. C'est qu'il y a encore aujourd'hui, c'est moderne. Enfin, ouais. C'est un peu bête comme terme. J'aime pas l'idée de moderne. Mais en tout cas, c'est contemporain. C'est-à-dire que ça fonctionne encore aujourd'hui. Ça arrive souvent que dans n'importe quel article, et ça, les gens fassent référence aux Shed Dogs, et qu'ils critiquent quelque chose, ils disent qu'ils pompent comme les Shed Dogs. Enfin, voilà, c'est souvent qu'on a ça dans la presse. Parce que nous, on est abonnés à ce truc qui s'appelle Litou. Et donc, dès qu'on a le mot Shed Dog dans la presse, on reçoit l'article. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'articles de politique qui comparent un tel au Shed Dog ou qui, voilà. Bon, enfin, bon, du coup, je passe un message à tous ces journalistes qui écrivent pour leur dire que non, Shed Dog, il n'y a pas de C à Shed Dog. Et voilà, parce qu'un article sur deux, il y a Shed Dog écrit qu'un C. Alors peut-être qu'ils se repassent les articles entre eux, donc évidemment, l'erreur passe. Mais voilà. Et deuxièmement, non, ce n'est pas Pieplu qui a écrit les Shed Dog. Voilà, ça, voilà, maintenant c'est fait. J'espère qu'on n'aura plus de problèmes. Écoute, on essaiera que ça passe bien. Alors justement, tu viens de citer le nom. Comment ça se passe le travail avec Pieplu? Tout est super écrit, tous les dialogues sont écrits, enfin tous les voix off, tout est écrit à la virgule près, et Pieplu donne sa intonation, ou alors il y a quand même un travail aussi de l'acteur, comment ça se passe? En fait, la contrainte, c'est de rentrer dans le timing, parce qu'il faut enlever je crois que c'est 10 secondes de générique, et donc il faut qu'il arrive à lire le texte entre le temps qui lui est imparti, et en fonction de ça, en fait, après ils font une détection et ils composent le storyboard d'après le... Donc les voix étaient faites avant le... Parce que comme il n'y a pas forcément de macro niveau le lip sync n'est pas... Ouais. Voilà, c'est pas ce qui est important. On pouvait imaginer qu'il y avait l'épisode et qu'ensuite Pieplu arrivait et faisait la voix sur l'épisode fini. Non, il vient avant, fait, et il y a un storyboard qui est fait là-dessus. Oui, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément... Enfin, il y a une improvisation, mais elle est contenue, on va dire. Parce que des fois il faut qu'il accélère un petit peu parce qu'il il a traîné un petit peu avant, donc après il faut qu'il accélère pour attraper la cadence. Ça fait de... Robert Cohen-Soleil, il travaillait au service de la recherche ou c'est quelqu'un qui a été amené par Rouxel? Oui, c'est au service de la recherche, c'est par, il était avec Pierre Schaeffer, c'était son petit poulet, enfin c'était un petit jeune à l'époque. C'était un des poulains de Pierre Schaeffer, parce qu'il y en a eu beaucoup, je crois, quand même. Il y avait Parmigiani, enfin, il y avait plusieurs compositeurs célèbres qui étaient au service de la recherche. Donc cette équipe se forme, il y a une équipe et on a l'impression qu'il faut être soudé, non, pour faire... Enfin, c'est un petit peu facile ce que je dis comme question, mais c'est vrai qu'on a l'impression, parce que quand vous faites quelque chose qui est autant attaqué, qui est autant apprécié certes, mais qui est autant attaqué, cela... Est-ce qu'on a des lettres de Rouxel, ou est-ce qu'il y a des choses, ou est-ce qu'on sait qu'il aurait pu craquer à un moment donné, se dire mais pourquoi tant de gens n'aiment pas, ou au contraire ça lui donnait une énergie finalement? On parlait de Reynaud qui jette dans la scène ses bandes, alors peut-être par déménagement, peut-être pas forcément que par dépit. Est-ce que là il y a eu un moment donné il aurait pu avoir un dépit de Rouxel, on sait, ou non, pas du tout, il fonce, non? Non, là, je sais que ça a été un peu dur de mais bon, je pense que c'est comme tout film ou comme toute série, forcément il y a des clashs, ou il y a des engueulades, ou il y a des quand quelqu'un arrive et qui dit oh c'était génial, c'est très bien passé, c'est pour la promo, pour la télévision, mais c'est pas vrai. C'est toujours que sur un tournage, ça se passe pas tout le temps comme prévu, il y a des imprévus, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes d'ego, enfin il y a des, je sais pas. Là je parlais plutôt par rapport au spectateur, c'est-à-dire que quand on sort, on peut demander je sais pas, Florentine, quand tu montres un de tes films, bon, je suppose que ça doit être bien agréable d'avoir. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir en disant oh, c'était vraiment mauvais? Non. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a que les gens qui aiment, qui ont un élan vers le réalisateur en général. Ceux qui ou n'ont pas aimé ou sont en retrait, j'ai jamais eu de... Mais ça aurait été, moi ça m'intéresserait d'avoir des gens qui me disent j'aime pas. Mais t'imagines faire un film et donc t'as une émission de télé gens... qui si j'ai que des gens qui viennent me dire j'aime pas, oui, je me remettrai peut-être en cause, ou en tout cas, ça me questionnera sûrement. Parce que là, je me dis, voilà, je me dis que d'un seul coup, il a une émission quasiment tout le temps qui reprend et qui fait, avec des mots, des fois, on l'a dit, qui peuvent être très durs, qui remettent en cause finalement sa création. Oui, mais les critiques venaient, à mon avis, par courrier. C'était pas de face, quoi. À mon avis, face, où les gens lui disaient du bien. Mais les critiques, c'était par derrière, mais par courrier, etc. Donc c'est moins... ça devait quand même le toucher, mais c'est moins agressif que si quelqu'un arrive et vous dit vous casse la figure parce qu'il n'aime pas ce que vous faites. C'est sûr, mais... Je pense que c'était pas un personnage public, hein. Il était assez timide et en général, les gens, ils associent plus Pieds Plus au Shadok que Rouxel. Et maintenant, si tu vas voir quelqu'un dans la rue et du mal de Rouxel, je suis pas persuadé qu'il va mettre un visage sur le nom, hein. Si je disais ça, c'est parce qu'il y a quand même donc trois saisons à la base. Il y en a une quatrième qui va être faite un peu plus tard, mais il y a trois saisons qui sont faites. Donc ça veut dire quand même que malgré le fait que donc ce directeur est viré au bout de six mois avec son tweet, finalement, ça plaît suffisamment pour que ça continue. Mais en fait, il n'a pas été viré à cause des Shadok, il a été viré à cause de mai 68. Et après, en fait, la première... je parle sous le contrôle de Thierry, mais en fait, la première saison s'est arrêtée au moment de mai 68 et a repris en septembre. Voilà, il y a eu une petite halte pendant les événements. Mais après, ça a suivi son cours. Et à mon avis, et je crois que ça doit être un an ou deux ans après, pendant la deuxième saison, qu'il y a cette fameuse émission créée avec Jean-Yann. Donc, peut-être qu'il y avait aussi cet aspect de buzz c'est le premier buzz, en fait. Donc, les gens, ils ont dit, ouais, super, il y a un buzz, on fait de l'audience. Ils n'ont pas dit ça comme ça, mais voilà. Ok, donc la première saison passe. Il y a une deuxième saison qui est signée parce que, il n'y a pas encore les missions, peut-être qu'ils ne reçoivent pas encore un courrier énorme, dès la première saison. Ils ont demandé, suite aux plaintes, en fait, il y a, je ne l'ai plus en tête, qui a demandé à Jacques Martin, qui faisait une émission qui s'appelait, j'ai oublié le nom, c'est un bouquin, achetez-le, comme ça vous le saurez. Et il demande aux gens, parce qu'ils disent, on va faire un référendum, parce qu'on reçoit beaucoup de lettres contre, mais si, comme on le pense, il y a beaucoup de gens qui aiment les Shadok, écrivez-nous. Et c'est à partir de là que naît cette émission, parce qu'ils sont submergés de lettres. Non seulement il y a vraiment des gens qui continuent à les insulter, mais il y a quand même autant de lettres, voire plus, de gens qui se disent, c'est génial, il faut continuer. Et devant cet afflux de courriers, il décide de créer cette émission « Les Français écrivent au Shadok ». Et ça a été passé pendant la rediffusion de la première saison sur la deuxième chaîne de la télévision. Et du coup, le premier épisode de la deuxième saison commence comme ça. Il dit que plusieurs spectateurs se sont plaints, que les Shadoks sont idiots et qu'ils ne servent à rien, qu'ils n'ont pas de sens, et quand ils en ont un, c'est jamais le bon. Et la voix de Clopy dit « Oui, vous avez raison », et du coup, ils vont essayer de faire un effort. Évidemment, ils vont essayer. Et donc, il y a des cours. Voilà. Il y a des cours sur les passoires. Parce qu'il y a le fameux, l'épisode le plus, on va dire, l'un des plus célèbres qui marche partout. Marche partout parce que je me souviens l'avoir passé en Chine, cet épisode des passoirs, le numéro 6 de la saison 2. Et c'est un épisode phare et qu'on. Voilà. Il y a le storyboard. Ce qui est étonnant, quand les livres, et notamment le début, on voit quelqu'un, pas de complicité, mais en tout cas qui notait toutes ses idées, par exemple on retrouve des idées d'un storyboard sur Drôle d'oiseau ou en tout cas sur la première série qui va se retrouver finalement dans les autres. Donc c'est quelqu'un qui notait toutes ses idées, dans les archives on retrouve plein de... J'ai encore des petits bouts de papier où c'est vraiment, il note des idées, des thèmes comme ça, et alors c'est très divers, quoi. C'est vraiment des petits bouts de papier et t'as une enveloppe, tu ouvres ton enveloppe et t'as plein de petits papiers comme ça avec des bouts d'idées, des maximes, des devises, des concepts, des trucs. Donc il retrouve, c'est ça qui va chercher, qui reprend. Et qui à l'époque, est-ce que c'est quelque chose qui part dans le monde entier en 68, quand se termine la troisième saison? C'est 68 première saison, elle est arrêtée, elle reprend en septembre, elle est diffusée en 73 73, donc c'est pas sur des un an pile, en fait, c'est ça. Je crois que c'est de partir de janvier. C'est pas comme maintenant, quoi. C'est pas de septembre à juin, quoi. Est-ce que ça se vend à l'étranger, les Shadok? Ça s'est vendu partout en Europe. À l'époque déjà. Maintenant, après, ça n'a pas eu le même même retentissement à l'étranger. Peut-être à cause de la traduction, peut-être à cause de l'humour, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça s'est vendu à l'étranger. En Angleterre et aux États-Unis. En Angleterre. Oui, en Angleterre, il y a la fameuse émission de Thierry Boyle sur la BBC où c'est en fait pour apprendre le français aux Anglais. D'accord. Donc c'est qui est assez comique. Avec les Shadocks. Avec les Shadocks, oui, c'est disons. C'est pour ça qu'ils parlent pas français. C'est pour ça qu'ils me baillent. Et la traduction est faite parce que il y a le fameux, la fameuse sur le manège enchanté. C'est-à-dire le manège enchanté part en Angleterre et en fait est complètement traduit assez différemment, visiblement, ce qui fait que ça en devienne une émission culte là-bas, puisqu'une émission plutôt pour les jeunes rock'n'roll et voilà, avec des subtextes, on va dire, un peu différents. Est-ce que là, au niveau de. Parce que ça doit pas être évident à traduire quand même les Shadocks dans une langue étrangère. Est-ce que vous en avez vu? Est-ce que tous les deux, vous connaissez les traductions ou pas? Je vous pose des questions un peu. C'est Lina qui s'est occupée de ça. Et sur notre page Facebook, YouTube plutôt, on a des épisodes en allemand. Il y a un épisode en allemand et puis un en anglais aussi de l'époque. D'accord. Et après, de là à dire si c'est bien traduit ou pas. Donc il faut faire pour les gens qui parlent bien, faut aller les voir. Faut aller voir, regarder. Et puis voilà, ils peuvent mettre des petits messages dessus. Qu'est-ce qui fait que. Des années après, que les Shadocks et le Bling Blank, ça vient d'où cette idée? Pourquoi c'était une envie de Rouxel lui-même de redonner une vie? Parce que combien de temps c'est après? C'est en 2000. Enfin, c'est difficile. Ça, hein. En fait, je crois qu'il commence à y réfléchir. Le pilote de la série, il est fait en 97. Et puis la série sera diffusée en 2000 sur Canal+. Donc qu'est-ce qui fait que 25 ans après, il a envie? Est-ce que c'est vraiment lui qui a... Enfin, c'est une véritable envie? Ou est-ce que, bon, on le repousse un petit peu à faire des Shadocks, et comme c'est quand même l'un de ses bébés les plus connus... Non, je pense que... En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire plutôt qu'à mon avis, en 73, quand il crée 3A... Il en a peut-être un petit peu marre des Shadocks, il a envie de faire autre chose, il a envie de faire de la BD, il fait du dessin, il fait du comic strip, il va faire aussi donc beaucoup de films éducatifs et scientifiques parce qu'il était un passionné de science. Et puis voilà, donc il s'éloigne un petit peu, je dirais, des Shadocks à proprement dit, sans en perdre l'esprit, parce que tous ces films après garderont l'esprit Shadock. Mais voilà, alors peut-être qu'à un moment, il a eu envie d'y revenir, mais je Moi, j'ai trouvé des notes pour une quatrième saison qui doit dater de 75 ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc après, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus précises à donner, mais ça devait être dans, il devait l'avoir en tête, mais peut-être qu'il a pas, il a fait, ben, comme Mathieu a dit, il a fait d'autres choses et peut-être que. Il trouvait plaisir à faire des choses différentes, tout en gardant, parce que souvent dans les films institutionnels, il a mis des Shadocks, ou même dans les trucs qu'il a fait pour l'analyse freudienne, il a souvent utilisé les personnages des Shadocks, donc il les avait pas vraiment oubliés, je pense que c'est... Pour finir avec les Shadocks, est-ce qu'on peut quand même, malgré vous deux qui êtes fans, est-ce qu'on peut quand même dire qu'on est un peu déçu par ce Shadock et le Bling Blank, cette nouvelle saison? Ou non. Non mais, alors, par contre, il y a la fin, la deuxième partie. C'est vrai que la première partie, on va dire les 24 premiers épisodes sont un peu, peut-être un peu moins en dessous. Mais après, la dernière partie, je trouve que quand même il y a quelque chose. Ouais. Oui, non, comme il y a voilà les petites idées nouvelles et des choses comme ça qui remontent un peu à la surface. Mais c'est vrai que c'est plus, je dirais, entre les 40 et 52e épisode, quoi. Et c'est là où est-ce qu'il y a vraiment... Il réussit à récupérer, parce que c'est vrai que même si ça fonctionne toujours, on le disait en tout début de parler ensemble, c'est vrai que ça arrive. Encore une fois, il faut se rappeler, ça arrive après quoi, Joe et les abeilles, enfin voilà, sur De gens à images, enfin ce genre de choses. Et c'est vrai que d'un seul coup, c'est un raz-de-marée. C'est évident que quand il arrive en 90, même si c'est toujours en 2000, fin 90, début 2000, même si c'est toujours évidemment d'actualité, ça y est, il y a plein de choses qui sont passées, les Simpsons sont nés, enfin il y a pas mal de choses qui sont déjà présentes. Et puis c'est perdu dans la programmation aussi. C'est parce qu'en fait, ça passait une fois par semaine. En 2000, la quatrième saison passe une fois par semaine. Donc on est un peu perdu. En plus, il y a des épisodes qui se suivent plus ou moins. Donc voilà, alors que maintenant, une série d'animation actuelle de 5 minutes, enfin de 3 minutes comme c'était, ils en font pas 52, ils en font 104 ou 208. Voilà, donc du coup ils peuvent passer ça tous les jours et faire une espèce de maintenir un peu l'audience avec des poules de scénaristes, etc. Voilà. Alors que là non, c'est quand même, ça reste artisanal la quatrième saison, donc c'est un peu perdu, c'est vrai, dans le flux télé de notre époque. Ce qui est étonnant, 3A avait sorti il y a quoi, quelques années maintenant un DVD justement qui était, alors comment ça s'appelait, Après les Shadocks ou Jacques Rouxel et les Shadocks autrement. Ah voilà, les Shadocks autrement, le DVD toujours toujours d'actualité, toujours disponible évidemment. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit en effet ce qui est, pour parler un peu de Rouxel, hors Shadok, mais c'est vrai que dans l'animation, c'est vrai que moi c'est souvent, quand je fais l'histoire d'animation, même dans mes cours, je cite souvent les Shadok comme à un moment donné important, puisque aux États-Unis, en Angleterre, ils ont Yellow Submarine, donc des Beatles, il y a Ralph Bakshi qui arrive aux États-Unis. C'est vrai que nous, on a un peu, Rouxel et les Shadok, quoi. Il y a d'autres personnes, évidemment, en court-métrage, mais en tout cas d'aussi grande ampleur, en effet. Sinon, c'est Astérix. Enfin, c'est pas des choses qui vont très loin. Enfin, en tout cas, au niveau de la rébellion et de ce qu'on peut imaginer. Et donc, ça, c'est un événement important. Ce qui est intéressant avec Rouxel, c'est qu'il y a, et quand on connaît pas, ça surprend, quelque chose de très sérieux qui sont les films de commande. Quand je dis très sérieux, c'est de très documenté, en tout cas. Et moi, ça me fait penser à ce que faisaient les frères Fleischer, par exemple, qui faisaient Betty Boop et qui faisaient aussi des films scientifiques, qui essayaient d'être très... Parce qu'ils étaient aussi scientifiques, un peu. On parlait d'Émile Reynaud, décidément, beaucoup de gens dans l'animation sont aussi des scientifiques à la base. Est-ce que Rouxel avait passion pour les sciences. Il avait une passion pour HEC. Et en fait, c'est vrai que quand on lui commandait, alors c'était à l'époque, dans les années 80, où il y avait beaucoup de moyens pour faire les films d'entreprise, on pouvait les faire en animation, etc. Donc ça, c'était le grand bonheur. Et donc, voilà, pour un film sur l'électricité ou sur le sang, comme il a fait, il allait beaucoup se documenter, il allait réfléchir, machin. Alors, il reprenait le scénario original qui venait du commanditaire, il le remettait un petit peu à sa sauce, il rajoutait quelques doses d'humour, quelques doses de Shadok, et puis il remettait toute sa science parce que évidemment il avait compris tout le concept du film et de ce qu'on avait à dire. Et donc voilà, donc ce qui a fait qu'il a un peu, boosté le genre du film de commande et du film institutionnel. Et on a eu plein de prix. Alors on avait d'ailleurs, chaque année il y avait à l'époque, c'était à Biarritz, il y avait le festival du film audiovisuel, et chaque année il revenait avec des petits dauphins. Et donc chez nous, on avait dans le studio, il y avait plein de petits dauphins. Ils sont toujours là. Il y avait plein de prix. Ouais. Donc il y avait plein de assez laid, mais il y avait plein de petits dauphins. Voilà, c'est ça. Et puis il a toujours été, il s'est toujours intéressé aux nouvelles technologies. Il bricolait des premiers ordinateurs, il programmait des trucs. Il était avec son fer à souder, il bricolait des trucs. Et il est un des premiers aussi en France à avoir travaillé sur les premiers films assistés par ordinateur dans les années 80. Hein. Il a fait quelques courts-métrages ou même sa série Lématique où Laurent Bounour a réalisé la série. Okay, malheureusement, pas pu être là. Et c'est vraiment les prémices du dessin animé assisté par ordinateur, alors avec des espèces de machines empiriques et qui marchaient plus ou moins bien, parce que d'ailleurs la série Lématique, ils devaient quasiment toute la faire avec un système fait par ordinateur, mais ça a vraiment un look 8-bit, c'est très très particulier comme rendu, et au final ça s'est fait en traditionnel au studio des 3A d'ailleurs. On connaît moins, mais il y a pas mal d'affiches un peu politiques aussi. Enfin, il fait des choses. Bah oui. Hein, il est... oui, oui, pour le PSU. Ah, voilà, ouais. Il y a un truc pour l'humanité. D'ailleurs, le PSU, je l'ai mis juste en face du CNPF. J'ai dit, tiens. Ouais. Il y a des choses qui n'hésitent pas à rentrer dedans. Hein, Des dessins qui sont encore d'actualité. Vierge et Martyr. Donc ça, c'est parti aussi des travaux personnels de Jacques, qui sont dans le livre, mais qui sont pas dans, ils sont dans le grand, mais pas dans le petit. Voilà. D'accord. Donc toute cette deuxième partie, avec des Shadok, tiens, ça va plaire. Ouais. Érotique. Non, mais il y avait des choses un peu. Des petites choses érotiques. Quelques petites choses érotiques. C'est pour ça qu'il faut acheter le gros livre. Ouais, voilà. C'est la Florentine. Shadok en version un peu érotique. C'est un projet de jeu de cartes. Ça. C'était pour faire des cartes de jeu de cartes. Parce qu'on a quand même, c'est vrai qu'on a retrouvé beaucoup de choses. Hein, parce que on avait, c'était plutôt l'année dernière quand on a déménagé une nouvelle fois. Et là, on a vidé nos cartons. Et c'est vrai qu'on sous les cartons, il y avait des tonnes de papier qui ne servaient à rien. Et au fond, caché un original. C'est bon. Voilà. Donc il y a ce livre qui est incroyable, qu'en tout cas voilà, qui est une masse d'informations, qui est aussi bien pour les gens qui aiment les Shadok que pour l'historien, de cinéma, pas que de cinéma d'animation, de cinéma, parce qu'il y a vraiment tout. Est-ce que Marcel Bondy fait très attention à ça, sur l'utilisation des Shadok, est-ce que Je suppose qu'on doit vous demander tout le temps, c'est plutôt pour toi Mathieu, l'utilisation des shadows pour des pubs, des choses comme ça. Est-ce qu'on est déjà venu, une télé a dit « Ah bah on aimerait bien faire une nouvelle série, etc. » Non mais cette année, à Annecy, au Festival d'Annecy, il y a un monsieur que je ne citerai pas, qui il voulait reprendre les shadows pour les faire en 3D, les renumériser et les faire en 3D. Je trouvais ça tellement surréaliste que ça m'a fait beaucoup rire. Mais non, en général, c'est quand même plus ou moins sérieux. Il y a des gens qui... on fait très attention. Il y a des gens qui viennent faire de la pub, on fait pas mal de produits dérivés. Les Shadows ont toujours fait des produits dérivés et de la pub, donc ça c'est pas un problème. Par contre, oui, on est très regardant, on fait très attention. Il y a beaucoup de gens ou de publicitaires ou de graphistes qui pensent pouvoir dessiner un Shadow comme ça sur leur pub. Et voilà, on leur dit, vous n'allez pas y arriver. Si, on va y arriver. Mais en fait, non, ils n'y arrivent pas, évidemment. Donc voilà, non, on fait très attention à ça, mais on laisse quand même vivre les bêtes, les animaux. Ouais. Ces animaux. Mais donc tout en quand même, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire aujourd'hui, j'imagine que Bruxelles serait là, on pourrait presque avoir un long métrage Shadow, comme c'est un peu la mode dans l'animation ou quoi. J'ai trouvé des écrits là-dessus, hein, sur un projet de long métrage avec du Shadow. Alors il y a quelques pages et après je sais pas, il y a différents, comme ils prenaient beaucoup de notes, alors il est question de remontage de la première série. En enlevant les génériques. D'accord. Et en faisant une espèce de bout à bout, en enlevant les passages résumés quand un nouvel épisode commence, en général un petit résumé de l'épisode précédent. Mais en fait, c'est le concept qu'ils ont fait quand ils ont fait les Nuits Shadok qui avaient... Ça doit dater de 97. Ça avait commencé au passage du Nord-Ouest à Paris. Et en fait, ils avaient organisé une tournée comme ça dans plusieurs villes en France où ils faisaient comme la nuit des publivores, par exemple. Mais c'était la nuit Shadok. Et il y avait Pied-Plu qui était là, Rouxel, Cohen Solal. Et c'est quelque chose qui avait pas mal marché, quoi. Mais moi, j'avais fait un test par curiosité de prendre, par exemple, la première série, d'enlever tous les génériques et de le faire en bout à bout. Et on arrive à un truc super truc, quoi. Je ne démordrai pas, ça marche très bien. Ouais, ça fait une heure et demie et c'est vraiment super efficace. Et on ne s'emmerde pas, on n'est pas. Parce qu'en fait, ce qui est un peu énervant là, quand on le visionne comme ça, c'est la répétition de la musique, ouais, des génériques. Mais quand on fait un bout à bout, ça fait une heure et demie, 90 minutes et c'est passionnant. Nicolas, toi, t'adores les Shadows? Il fait oui, mais forcément, c'est quand même. Voilà, donc c'est. Encore une fois, ne croyez pas, vous savez bien, ici et à Bulle de Rêve et à Radio Libertaire, on fait jamais juste de la pub gratuite pour faire de la pub gratuite. Mais c'est vrai que c'est Florentine, quand je l'ai reçue, c'est vrai que je lui dis de suite et c'est un vrai bel objet, un vrai bel ouvrage. Ils nous font croire que. Alors je sais que là je suis à côté d'un producteur donc il va dire mais là si vous allez dans vos magasins maintenant on vous fait croire que Noël est déjà arrivé, ils vendent déjà du chocolat de Noël, enfin c'est ce genre de conneries alors qu'on est en octobre, bientôt de toute façon sera Noël toute l'année pour les gens qui vendent, donc vous savez moi on n'est pas du tout là-dedans et je sais pas si vous voulez vous le faire offrir pour Noël ou pas, on en a rien à foutre de ça, mais vraiment voilà c'est un bel ouvrage en plus qui est agréable quand on parle que l'édition va mal etc, c'est vrai que c'est agréable d'avoir des beaux objets comme ça, c'est vraiment du beau travail, ouais. C'est vrai qu'on peut remercier Fabienne Krigel de les éditions du Chêne qui a vraiment fait du beau travail et du beau boulot. Et c'est vrai que c'est une somme, quoi, c'est une Bible. Quoi. Ça va au-delà des Shadows, ça va au-delà de tout ce qu'on peut faire. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, à Mathieu. Hein. Notre prochaine émission. C'est le 22 novembre. C'est le 22 novembre. Normalement, j'ai pas encore de nouvelles. J'aimerais qu'on fasse un hommage, il a tellement travaillé que... petit retour en arrière sur le travail de Didier Brunner et les Armateurs, producteur de Kirikou notamment, très important, et qui sort Ernest et Célestine, un film, un très très joli film, et on aimerait bien que Benjamin Reiner et Didier Brunner soient là. Et le 1er décembre, donc normalement, on devrait travailler sur Le Cours, je laisse Florentine parler. Oui, avec Arnaud Demuynck et Richard Nègre et d'autres autour du court-métrage. Ouais. Et pour finir le générique, on va juste écouter le morceau 21, donc tout au bout, je dis à Nicolas qui me dit oh, il met le 21 donc il dure 2 minutes 20, on peut évidemment arrêter, c'est At the Beach, c'est la fin de cette BO et la fin du film de Tech Shelter que je vous conseille encore une fois de regarder. Merci beaucoup à tout le monde, profitez de la fête du cinéma d'animation bien évidemment et vous pourrez retrouver donc l'émission sur The Web Anime et sur le blog Bulle de Rêve, vous tapez dans Google Bulle de Rêve avec un S à bulle, un S à rêve et vous tomberez dessus, voilà. Avec les photos de l'émission. Fantastique. À très vite.